Quelques grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Sophie, 43 ans, qui est actrice, réalisatrice et qui réside à Meudon. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, je suis au soleil, je profite de ce printemps précoce pour recharger les batteries. Oui, et ça c'est essentiel de prendre soin de soi pour continuer à avancer, comme le petit lapin de la pub qu'on ne citera pas. Tout à fait, tu avances drôlement bien. C'est ça, et tu es actrice réalisatrice, donc en quoi consistent ces métiers du coup, même si on pense le savoir hein. Alors le premier métier consiste à jouer comme les enfants dans la cour de récré aux cow-boys et aux indiens. Ça consiste à peu près à ça, c'est-à-dire à se prendre pour quelqu'un d'autre et à prendre du bon temps tout en exerçant son métier. Le deuxième métier, ça consiste plutôt à imaginer des histoires et à en faire des images. Et est-ce que tu exerces depuis longtemps ce métier que tu sembles aimer ? Depuis une vingtaine d'années. C'était une vocation pour toi ou c'est arrivé un peu comme ça dans ta vie ? Non, c'était un grand hasard, en fait, parce que, justement, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie. J'étais assez perdue, sans aucune perspective vraiment tangible. Et puis, tout d'un coup, on est un peu venu me trouver. C'est-à-dire, c'était un casting sauvage pour le film L'ennui de Cédric Kahn. Il cherchait depuis 2 ans son actrice principale parce que, justement, il avait casté pas mal d'actrices professionnelles et même des mannequins et ça ne le satisfaisait pas. Et du coup, il était passé en casting sauvage, c'est-à-dire des amatrices dont je faisais partie. Et il se trouve que j'ai été prise et que ça a lancé cette carrière d'actrice. Waouh, comme quoi l'adage qui veut que tout peut arriver dans la vie est devenu très concret pour toi il y a 20 ans. Tout à fait. Sans transition aucune, je l'ai demandé à ton mari il y a quelques temps. Hein. Oh, j'ai dévoilé un secret. Wow. Sais-tu comment s'appellent les habitants de Meudon ? J'imagine que ça doit être les Meudonnais. Eh bien, écoute, il imaginait pareil, donc ce doit être ça, hein, chers auditeurs. N'hésitez pas à aller regarder, vérifier et commenter. Dites-nous si effectivement ils ont raison ou pas. Ouais, on n'a pas vraiment fait attention à ça, en fait. Oui, c'est vrai, les gens ne font pas vraiment attention aux gentilés. Ils se sentent bien dans leur ville, mais ne cherchent pas vraiment à savoir, en général, comment ils s'appellent en tant qu'habitants de cette ville. Et ce qui donne lieu à cette fameuse question qui est fort drôle, parfois. J'imagine. Et est-ce que le bonheur que tu vas nous partager a un rapport avec le gentilé, ta profession ou autre ? Pas du tout. Ça a un rapport avec ma vie personnelle et plus précisément ma vie de maman. Oui. Parce que j'ai la chance d'avoir deux belles filles. Oui. La plus grande a 17 ans et la plus petite presque 8. Et le bonheur que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est un souvenir très marquant pour moi parce que il correspond justement à la naissance de ma première fille. Je l'ai eue à 26 ans et c'est vrai que pour moi, c'était très très important depuis très longtemps en fait de devenir maman. C'était pas une obsession mais presque. Oui. Et le jour où ma première fille est née, en plus, elle avait une semaine. On dit de retard, même si j'aime pas ce mot, parce que les enfants, en fait, naissent quand ils ont envie de naître. Mm-hmm. D'ailleurs, ma fille, donc, est née avec une semaine en plus, on va dire ça plutôt comme ça, présumée d'accouchement, ce qui fait quand même beaucoup sous nos latitudes. Dans d'autres cultures, c'est vu avec beaucoup plus de marge, enfin, de tolérance, on va dire. Mais ici, dès qu'on dépasse 2-3 jours, c'est un peu la panique. Et elle a dépassé carrément d'une semaine. Et donc, elle était assez, on va dire, mature comme bébé, quoi. Et effectivement, quand elle est née, j'ai un souvenir vraiment marquant de ce petit bébé qui était au moment vraiment où on l'a sorti de moi et on me l'a tendu vraiment face à face de son visage qui était vraiment un soleil et d'immenses yeux ultra ouverts C'était justement aussi assez extraordinaire, parce qu'en général, le bébé, il naît à moitié endormi, C'est avec vrai. les yeux tout plissés. Et elle avait vraiment, parce qu'elle a toujours d'ailleurs ces très grands yeux, très expressifs. Et dès la naissance, vraiment, elle est sortie, mais avec ce regard qui me fixait. C'est-à-dire que la sage-femme me l'a tendue, et j'ai vraiment ce souvenir très marquant de ce bébé qui me regardait, mais fixement, comme si vraiment elle voulait imprimer l'image de sa maman. Wow. Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que tu nous as fait comprendre que c'était un souhait que tu avais depuis bien longtemps d'avoir un enfant. Et donc j'imagine que l'annonce de la grossesse avec un test ou autre, ça a dû être merveilleux. Puis le vécu de la grossesse, mais au moment où cet enfant tant désiré sort, que tu la vois, qu'elle te fixe, que vous êtes dans ce face-à-face, qu'est-ce qui se passe émotionnellement pour toi? Alors, sur le moment, comme je n'avais pas eu de péridurale et que je venais de vivre à peu près 8 heures de contractions extrêmement douloureuses. Alors là, il y a plein de moments qui te font waouh, j'en suis sûre à l'écoute de ça. Donc, sur le moment, vraiment, proprement parler, j'étais, je pense, dans un autre monde, dans une espèce d'autre sphère. Je pense que ça fait vraiment, enfin moi en tout cas, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, dans le sens où, comme en plus j'ai pratiqué l'apnotomie, c'est-à-dire la respiration ventrale pour justement supporter la douleur des contractions sans péridurale et tout, je pense que vraiment j'étais ailleurs, quoi. C'est-à-dire que c'était un bonheur diffus et intense à la fois, mais c'était, oui, c'était comme, je vais pas dire comme une expérience parallèle Mais tu peux si c'était le cas. on peut dire ça, oui. En plus, après, comme, bon, là, je rentre vraiment dans les détails qui peut-être sortent un peu du cadre de cet entretien, mais en plus, comme après, il manquait des morceaux de placenta, ils m'ont, par contre, shooté, enfin ils m'ont endormi pour aller retirer manuellement ces morceaux-là. Et là, du coup, je sais que j'ai complètement déliré. Enfin, je ne me rappelle pas, mais on me l'a dit plus tard. sous l'effet des médicaments, j'ai vraiment déliré. Et j'étais complètement goguenarde. Et je disais à l'anesthésiste, ah, oh, alors vous travaillez depuis combien de temps dans cette maternité? Enfin, et ça, je me rappelle absolument de rien. Donc voilà, c'était vraiment une expérience transcendantale, on va dire ça comme ça. C'est génial. Et est-ce que le fait d'avoir désiré, j'allais dire quelque chose, mais là c'est quelqu'un en l'occurrence, quelqu'un si longtemps comme ça, même d'avoir le bonheur juste de l'imaginer et que cela se concrétise, est-ce que ça ajoute du bonheur, ça en enlève ou au contraire pour toi c'était complètement égal tout le temps? Dire égal dans le sens où je pense que le bonheur, ce n'est pas un état permanent ni même constant, dans le sens où je pense que le bonheur, c'est quelque chose qui limite se recherche un peu quotidiennement. Donc, c'est-à-dire que je pense que posséder quelque chose ou même quelqu'un n'amène pas le bonheur en soi. C'est plutôt un état psychologique qu'il faut chercher à obtenir par soi-même. Des fois grâce à travers les autres ou à travers les situations sociales, professionnelles, etc. Mais je pense que rien n'amène le bonheur en soi et que c'est vraiment l'individu lui-même qui va le chercher ou pas. C'est beau ça. C'est beau. En tout cas, c'est une manière de percevoir le bonheur parce que le bonheur est propre à chacun, bien sûr, on s'entend. Non, c'est une vision intéressante. À méditer, chers auditeurs. Merci. Et tu disais en débutant le récit de ce bonheur, de ces bonheurs, qu'il y avait deux filles, deux magnifiques filles. Donc là, tu nous as parlé de la première. C'est vrai, c'est un peu injuste, je m'en rends compte en même temps que vous, dans le sens où je n'ai pas parlé du bonheur de ma seconde fille qui a été justement de manière totalement égale à un deuxième bonheur. Mais alors peut-être que c'était la primauté voilà, de cette première accouchement qui a fait que vraiment c'était un souvenir plus marquant que le deuxième accouchement, même si évidemment j'ai été très heureuse dans les deux cas. Oui, bien sûr, et plusieurs mères nous l'ont déjà témoigné que même si, rassurez-vous, les enfants, les mamans vous aiment tous, je ne vais pas dire de la même manière parce que ce serait faux, mais à la même hauteur en tout cas, Ouais. Le premier enfant est toujours marquant, bah, l'effet de la nouveauté, Ouais. hein, comme vous avec vos nouveaux jouets, les enfants. C'est pas la même Ouais. chose d'avoir sa première poupée que d'en avoir 10 autres après. Donc, on comprendra bien, il n'y a aucun malentendu et aucun souci là-dessus. C'est beau ce que tu dis parce que ça peut paraître banal, voire cliché pour certains, qu'une mère parle de la naissance de ses enfants, mais c'est toujours un renouveau à chaque fois, à chaque enfant déjà. Et Ouais. en plus, là, tu parles du désir que tu avais de ce premier enfant, en plus qui est resté bien au chaud dans ton ventre. Et même ce moment dont tu parles de face à face qui est complètement surréaliste et beau à la fois, Ouais. c'est non, non, c'est génial, je trouve, de trouver son bonheur dans les gens qu'on aime, qu'on a désirés, qu'on a voulu, et même quand on ne les a pas désirés, parce que ça peut arriver. Il y a des enfants Ouais. qu'on taxe d'accident, mais même si c'est le cas, quand ils arrivent, on apprend à les aimer, on apprend à les apprécier, on apprend à en faire notre bonheur. Et comme tu le C'est disais tout à vrai, l'heure, le bonheur, vous voilà, nous en parlez bien. Merci, c'est gentil. Et comme tu le disais tout à l'heure, le bonheur se décide. Le bonheur se décide C'est vrai. et on peut choisir d'être heureux à travers ce qu'on aime, même quand ils ne nous le rendent pas forcément. N'est-ce pas? Je confirme maintenant que ma grande fille elle a donc 17 ans. C'est une ado. D'ailleurs, même la petite à 8 ans, elle me trouve tout à reprocher. C'est toujours tout de ma faute si rien ne se passe bien. Faites des enfants, faites des enfants. C'est ça. Qui nous a dit ça? Mais c'est ça être mère, c'est être dans l'abnégation, être dans le renoncement de soi, être ce pentacle C'est qui ça. recevra tout et n'importe quoi dans la face. Voilà, puis le souvenir de ce qu'on a été, nous aussi, ados, avec nos colères propres à l'endroit de nos parents et surtout de nos mères. Les pauvres qui se prennent tous dans la tronche systématiquement. Non, mais c'est vraiment génial. Et en plus, même pour les enfants, je trouve que c'est bien que les mamans se remémorent auprès d'eux ces instants. C'est bien aussi pour eux d'entendre qu'ils ont été désirés et puis que ça a Ouais. procuré de la joie de les avoir et que ça en procure encore. Oui, c'est vrai que mes filles, par exemple, elles adorent ce qu'est album photo. Dès qu'on en ouvre un, elles veulent tout voir, toutes les photos, tous les albums. Moi, j'étais comme ça, petite aussi, à chaque fois que j'allais chez mon père, parce que c'est lui qui a le plus de photos de mon enfance et de celle de mon petit frère. J'avais vraiment ce réflexe mais systématique d'aller regarder tous les albums tout le temps. C'est marrant, hein, c'est vraiment oui, comme un espèce de, je sais pas, une espèce de quelque chose de rassurant aussi peut-être de se revoir, de voir comment on a grandi, Comme on a de été aimé aussi, revoir, peut-être. ouais, c'est ça, de revoir les moments joyeux parce qu'en plus, bon, en général, les photos c'est plutôt ça qu'elles représentent, hein, tant mieux. Et d'ailleurs, on peut dire les fêtes d'anniversaire, C'est vrai. les naissances, les mariages. Donc c'est vrai que c'est aussi un espèce de retour positif sur le passé, quoi. On occulte un peu tout le reste et on se rappelle que des bons moments. Et c'est bien. Oui, c'est bien et c'est peut-être une nouvelle clé du bonheur que tu nous donnes ici, tellement on en a à chaque entretien. Est-ce que le Ouais. bonheur, ce n'est pas aussi se souvenir des bons moments du passé pour recréer le Aussi. futur et les vivre pleinement le présent, peut-être? Tout à fait. Bon, merci Sophie, merci pour ces quelques grammes de bonheur. Alors, merci beaucoup à vous, donc à toute l'équipe de cette émission, parce que c'est vrai que c'est important, je trouve, de parler de ça, de parler des bons moments et pas que de ce qui va mal, de ce qui va pas. Voilà, c'est important d'aller vers le bon et le positif. Oui, ben merci de le rappeler parce qu'il est vrai que les gens qui le font sont souvent taxés de niais, de naïfs et autres. Mais comme tu le Ouais. dis, ce n'est pas en allant dans ça qu'on occulte le reste. C'est tout simplement que il faut s'y puiser dans tout ça pour continuer à avancer dans ce monde où on est entouré de beaucoup de négativité, surtout en ce moment. Et C'est vrai. merci d'y contribuer aujourd'hui. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie, et puis j'espère que tu n'hésiteras pas si un jour tu as un autre ou d'autres bonheurs à nous conter, à revenir. Moi, ce sera avec plaisir que je te recevrai à nouveau. Avec plaisir.